Ésaïe chapitre 66. Ainsi a dit l'Éternel, les cieux sont mon trône, et la terre est le marchepied de mes pieds, quelle maison me bâtiriez-vous, et quel serait le lieu de mon repos? Car ma main a fait toutes ces choses, et c'est par moi que toutes ces choses ont eu leur être, dit l'Éternel. Mais à qui regarderai-je? À celui qui est affligé, et qui a l'esprit brisé, et qui tremble à ma parole. Celui qui égorge un bœuf, c'est comme qui tuerait un homme, celui qui sacrifie une brebis, c'est comme qui couperait le cou à un chien, celui qui offre un gâteau, c'est comme qui offrirait le sang d'un pourceau, celui qui fait un parfum d'encens, c'est comme qui bénirait une idole. Mais ils ont choisi leur voie, et leur âme a pris plaisir en leurs abominations. Moi aussi, je ferai attention à leur tromperie, et je ferai venir sur eux les choses qu'ils craignent, parce que j'ai crié, et qu'il n'y a eu personne qui répondit, que j'ai parlé, et qu'ils n'ont point écouté, parce qu'ils ont fait ce qui me déplaît, et qu'ils ont choisi les choses, auxquelles je ne prends point de plaisir. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui tremblez à sa parole, vos frères qui vous haïssent, et qui vous rejettent comme une chose abominable, à cause de mon nom, on dit, que l'Éternel montre sa gloire. Il sera donc vu à votre joie, mais eux seront honteux. Un son éclatant vient de la ville, un son vient du temple, le son de l'Éternel, rendant la pareille à ses ennemis. Elle a enfanté avant que de sentir le travail d'enfant, elle a été délivrée d'un enfant mâle, avant que les tranchées lui vinssent. Qui entendit jamais une telle chose, et qui en a jamais vu de semblable? Ferait-on qu'un pays fût enfanté en un jour, ou une nation naîtrait-elle tout d'un coup, que Sion ait enfanté ses fils, aussitôt qu'elle a été en travail d'enfant? Moi qui fais enfanter les autres, ne ferai-je point enfanter Sion, a dit l'Éternel. Moi qui donne de la postérité aux autres, l'empêcherai-je d'enfanter, a dit ton Dieu. Réjouissez-vous avec Jérusalem, et vous égayez en elle, vous tous qui l'aimez, vous tous qui meniez d'œil sur elle, réjouissez-vous avec elle d'une grande joie, afin que vous soyez allaités, et que vous soyez rassasiés de la mamelle de ses consolations, afin que vous suciez le lait, et que vous jouissiez à plaisir de toutes les sortes de sa gloire. Car ainsi a dit l'Éternel, voici, je m'en vais faire couler vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, et serez portés sur les côtés, et on vous fera jouer sur les genoux. Je vous caresserai pour vous apaiser, comme quand une mère caresse son enfant pour l'apaiser, car vous serez consolés en Jérusalem. Et vous le verrez, et votre cœur se réjouira, et vos os germeront comme l'herbe, et la main de l'Éternel sera connue envers ses serviteurs, mais il sera ému à indignation contre ses ennemis. Car voici, l'Éternel viendra avec le feu, et ses chariots seront comme la tempête, afin qu'il tourne sa colère en fureur, et sa menace en flamme de feu. Car l'Éternel exercera jugement contre toute chair par le feu et avec son épée, et le nombre de ceux qui seront mis à mort par l'Éternel, sera grand. Ceux qui se sanctifient et se purifient au milieu des jardins, l'un après l'autre, qui mangent de la chair de pourceau, et des choses abominables, comme des souris, seront ensemble consumés, a dit l'Éternel. Mais pour moi, voyant leurs œuvres, et leurs pensées, le temps vient d'assembler toutes les nations et les langues, ils viendront, et verront ma gloire. Car je mettrai une marque en eux, et j'enverrai ceux d'entre eux qui seront réchappés, vers les nations, en tarsis, en pul, en lu, j'en tirant de l'arc, en tubal, et en javan, et vers les îles éloignées qui n'ont point entendu ma renommée, et qui n'ont point vu ma gloire, et ils annonceront ma gloire parmi les nations. Et ils amèneront tous vos frères d'entre toutes les nations, sur des chevaux, sur des chariots et dans des litières, sur des mulets et sur des dromadaires, pour offrande à l'Éternel, à la montagne de ma sainteté, à Jérusalem, a dit l'Éternel, comme lorsque les enfants d'Israël, apportent l'offrande dans un vaisseau net, à la maison de l'Éternel. Et même j'en prendrai d'entre eux pour sacrificateurs et pour lévites, a dit l'Éternel. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je m'en vais faire, seront établis devant moi, dit l'Éternel, ainsi sera établie votre postérité et votre nom. Et il arrivera que depuis une nouvelle lune jusqu'à l'autre, et d'un sabbat à l'autre, toute chair viendra se prosterner devant ma face, a dit l'Éternel. Et ils sortiront dehors, et verront les corps morts des hommes qui auront péché contre moi, car leur ver ne mourra point, et leur feu ne sera point éteint, et ils seront en infamie devant tout cher.